Let's go. Are you ready? Merci pour Rise Supreme, DJ KZ là. Salut tout le monde. Comment va ? Très bien. Dis donc toi, j'ai l'impression que tu nous prépares un gros projet là. Aïe. Puisque je te suis régulièrement sur tes réseaux sociaux. On est en studio la semaine et en week-end en soirée et le dimanche à Rise Supreme. Donc j'ai pas rêvé, j'ai vu une photo passer avec Mister You cette semaine. Exactement. Donc on prépare du très sale. Ça veut dire qu'on pourra aussi découvrir en exclu dans Rise Supreme dans les semaines qui viennent. Exactement. Des dans les semaines qui viennent, c'est bien ça. Très bien, bah dans les semaines qui viennent et puis là d'ici là ce soir au programme, qu'est-ce qu'il y a KZ ? La fête. La fiesta. Tu as trouvé l'un des plus grands. Voilà, parfait. Donc branchez-vous, les chichas, les voitures à la maison, n'importe où. Voilà, ça va être l'ambiance assurée. Et bah réagissez aussi avec le hashtag Rise Supreme, le 41759 pour les SMS. C'est parti, coup d'envoi, on y va, Case. Allez, go. Allez, c'est parti pour Rise Supreme. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rise Supreme en direct sur Skyrock. Wow.

Popovich, trop de Lucy. J'kick sa deux billes, prends mon Yeezy. Tu veux du swag, il te manque ce truc qui fait que soudain tu te démarques. On se fait pas remarquer, on est remarquable. Faut le dire, personne nous rattrape. Swag et même on te stige, reste plus un merci, passons. Trop de compliments, pourtant j'allais juste pisser. J'ai tissé ma toile comme piqué. L'expliquer c'est trop compliqué. Ton chic c'est pas échec et qu'est-ce tu perds la tête. Mais au fait t'es, t'aimerais nous côtoyer. T'es sur la liste rouge, sur la piste tu bouges. Mais t'as pas trop la loose. Ok ok t'as des loves mais t'as pas le level. T'as mis un LV putain. Et je sais pas d'avoir ta sape, la sape ou bien ta marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag baby, du swag. Ça vient pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges, des décennies. Suffit pas d'avoir de la sable ou bien de la marque. Je sais pas si tu le remarques, mais c'est évident qu'il faut du soin. Du soin, baby, du soin. Ça fait pas comme un spoil. Du soin, ça prend des piges et des piges, des décennies. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Seuls sur ta route. Je les vois, nos ennemis ne peuvent rien à part parler sur nous. Pour les arrondurcis, promenade et numéro d'écrou. Skyrock, Rail Suprême. J'ai des frères devenir parano. Les choses vont s'arranger, de boulot en petit boulot. La galère m'inspire, je viens de là où les rêves tombent à l'eau. Moi j'ai pas fait Saint-Cyr, tous les soirs je regarde là-haut. Là-haut. Go ahead. Le dernier de la classe sera premier sur iTunes. Un pied dans le showbiz et puis l'autre sur le bitume. Écrire avec le cœur et laisser quelques plumes. J'ai de la famille dans le sud, j'ai de la famille dans le riff. Qui peut me stopper, pas leur vin de long riff. Tu t'es rembourgeoisé, Roya, pourquoi tu te plains. Moi j'ai pas retourné ma veste, Philippe plein. En bolide, 20 ans plus tard j'aurai une baraque en Floride. Longue épopée, de la misère au succès. Jante noire, cuir noir, tu sais toujours qui c'est. J'suis resté le même, en première ou en écho. Appel d'amigo, ma cellule a besoin de déco. C'est Tony Montana, featuring Manny, Casa Fuini, Al Getaliani. soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Je ne tire pas sur ma chicha, surtout si t'as les dents jaunes. On est là pour la déconne, on sera pas tous les jours jeune. Toi t'es là, t'es sérieux, mais tu passes une soirée chère. Fini les portes du rail, ma cité a déjà craqué. On move sur du rail avec des gonzesses à croquer. Si les keufs nous écoutent, faut surtout pas paniquer. Quand je parle de tuyaux au charbon, c'est pas pour braquer. T'as rien à faire pour te plaire, respecte la mise. Les traces sur ton bras, c'est le faire pas délice. Talon aiguille, team grosse cuisse. Alors attaque plus Maroc, bête de vie. J'ai refusé des trios avec des jolies femmes. Faut pas non plus abuser, je vais sauver mon âme. Nage et dame. C'est fou le bordel, fou le bordel. DJ Kaysar, c'est fou le bordel. Fou le bordel, fou le bordel. Comme on est à son DJ Kays, fou le bordel. Fou le bordel, fou le bordel. Fou le bordel, fou le bordel. Fou le bordel, bordel, bordel, bordel, bordel. Rail Suprême Skyrock. Général, je suis un aigle de capite, je suis un émirail, fais rentrer la rosa comme un artiste. Faut du charbon pour la chicha, je rajoute mes épices. Poulet de Nes, tu veux la connaître, lui faire des promesses, t'es prêt à tout mettre. Un bête de cortège, enfant du soleil, du vent de la neige, fidèle et honnête. On respire et unis, c'est magique, je t'invite. Dis-moi, c'est un mec, sur ma zig, à m'embrasser. Lella, blélela, rosa, elle est grêlée. Dis-moi, pour tous mes miss mood, profite d'un flic court. DJ Kays. Sur la piste, c'est comme ça. Tout le monde debout, les bras en l'air, les mains en l'air. Et c'est comme ça. Tout le monde debout, les mains en l'air, les mains en l'air. Et c'est comme ça. Il y a du monde dans la salle, tout le monde est sur la piste, et c'est comme ça. Tout le monde debout, les mains en l'air, les mains en l'air. Et c'est comme ça. Il y a du monde dans la salle, tout le monde est sur la piste, et c'est comme ça. C'est Rail Suprême. Skyrock. soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock.

Suprême avec DJ Case. Déjà une bonne première partie d'émission, eh oui. Case. Et la bonne nouvelle, c'est que ça continue. Et ça continue, oui. Et aussi le week-end, ça continue. Ah. Alors, que va-t-il se passer là dans les semaines qui viennent pour DJ Case? Alors, on peut te retrouver ce week-end, je suis principalement dans le Nord. On va aller voir nos amis les Ch'tis et les Parfait. Belges. Parfait, donc, direction le Nord. Vendredi 13, c'est à la Sirta que ça se passe, à Lille. Gros big up aux Lillois. Le samedi 14, c'est en Belgique, donc au Royal, c'est à Mons, à la frontière belge. Et le dimanche 15, juste après Rail Suprême, donc je serai au Club Avenue, c'est à Bruxelles, centre. Donc on peut pas louper. Et tous nos amis de Bruxelles qui nous écoutent. Ouais, et puis les nordistes aussi qui peuvent grimper à Bruxelles, c'est vite fait. Ah oui, c'est à côté, c'est à la frontière. C'est pour ceux qui aiment faire la fête avec DJ Case. C'est ça. Rencard donc à Bruxelles. La semaine après prochaine. Rail Suprême. Juste après Rail Suprême, dimanche prochain, il y sera. À l'heure. À l'heure. Ouais, t'es un jet, mon pote. Eh oui. Paris, Oran, New York, eh Bruxelles, ouais. un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Bon, allez, on est reparti. Allez. C'est reparti sur Skyrock avec DJ Case au contrôle. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême. Oui, c'est parti. Sur Skyrock. Suprême. C'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais snoune. Minuit, une heure, c'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Fais gaffe, l'ange te note. Ne lui dis pas, je te nique.

Rail Suprême en direct sur Skyrock.

pas trop la folle. T'es vraiment déréglé. J'dois te paramétrer. Tu veux me rendre jaloux. Mais fais pas trop la folle. छेड़छाड़ हो रही है आपका हास है आपका जवाब नहीं तो रही वो छेड़छाड़ हो रही है आपका हास है आपका जवाब नहीं C'est vrai que t'attires la foule Mais fais pas trop la folle T'es vraiment déréglé J'dois te paramétrer Tu veux me rendre jaloux Mais fais pas trop la folle No, she ain't talking about what she Just trying to be thirsty about you The reason why you lose, you got no She step into my shoes, I'm feeling Hustle people, they gon' beat you Cause they try to leave you, you up What will elevate you, is it? So keep back, meditate the feeling direct sur Skyrock. Et c'est déjà la fin de ce Rail Suprême avec DJ Case. Belle soirée encore. Belle soirée, j'espère que vous avez tous passé un bon moment. On a pu le vérifier dans les tweets, c'est super. Et bah continuez avec le hashtag Rail Suprême. On revient la semaine prochaine. Et oui, avec un invité qui sera Ayman Serrani, voilà, un chanteur. Alors qui est Ayman Serrani? Alors on a pu le découvrir sur le projet Parents New York. Mais avant ça, dans des titres qu'on a pu mettre sur la playlist de Rail Suprême, il y a à peu près un an, avec son titre Lila Hadi, voilà, il fait un carnage les réseaux sociaux. Ah ouais, c'est carnage carrément. Ah ouais, carnage, voilà, c'est vraiment la nouvelle génération du rail et voilà, il représente la jeunesse et la musique orientale en France et ça sera avec un grand honneur de l'accueillir la semaine prochaine. Donc semaine prochaine, à pas louper, à partir de minuit, Rail Suprême. Et d'ici là, Case en tournée aussi près de chez vous. En tournée exactement, vendredi je suis dans le nord à Lille, alors à la Cirta, samedi au Royal à Mons, c'est en Belgique, et dimanche juste après Rail Suprême, donc à Bruxelles au Club Avenue, voilà. Merci à toi Case pour cette soirée. Merci à vous, bien sûr. Et rencard la semaine prochaine, ciao. Ciao, ciao.